elle avait de l'énergie. C'est ça l'amour qu'on doit avoir pour nos enfants. Pas être de l'amour sentimental. Les gens sont dans l'amour sentimental. Le beurre de caramel. Il y a des parents qui c'est plein de beurre de caramel pour leurs enfants, puis les enfants, ça fait rien. Ils n'ont pas rien. Ils ont un eu du beurre de caramel pendant des années. Ça fait des voyous. Quand ils sont rendus devant le jeu, la mère appelait, ben, tiens, oh, j'aurais jamais pensé que mon enfant était de même. Mais ça, la police. C'est pas possible! Fin du caramel. Les enfants, faut que tu leur donnes derrière de temps en temps, faut que tu rebalances ça, puis tu leur donnes l'énergie d'un autre moment. Ok, inquiète pas, des enfants vont passer à le système scolaire. Mais quand ils sont jeunes, ils peuvent pas choisir. Comme la petite, j'étais à ma femme, je l'envoie à l'école anglaise l'année prochaine. Ah, oh, t'as pas intéressé à l'école. Là, naturellement, là, c'est le petit cœur à l'école française. Elle a pas la volonté, puis la vision plus tard que si elle parle deux langues, ou trois langues, ou quatre langues, elle peut voyager à le monde, ou c'était brillé. Quand tu y parles. Là, c'est l'école anglaise. T'es prépare. Tu peux pas trop faire ce qu'ils veulent. Ils savent pas ce qu'ils veulent. C'est des petits animaux. Quand ils sont petits. Il dit qu'on est bien, bien disconnecté de la réalité des enfants. On est disconnecté de notre réalité, mais de la réalité des enfants. On se connaît même pas nous-mêmes, mais tous on connaît des petits qui ne savent même pas parler. Ça a pris eux autres pour me dire qu'elle avait des talents de pianiste, sans ça que t'aurais même su. On connaît pas nos enfants. Parce qu'on se connaît pas soi-même. Si on se connaissait soi-même, on connaîtrait nos enfants. Les enfants sont frustrés, au bout. Les jeunes, au bout. On dit à 15 ans, 16 ans, ils veulent sortir de frustration, qu'est-ce qu'ils font quand ils fument du pot? Parce que quand tu fumes du pot, tu te défrustes temporairement, tu te refrustes après. Puis comme tu connais pas l'expérience du pot, tu sais pas qu'est-ce que c'est. Un petit gars qui n'a jamais fumé du pot, il n'a pas dit qu'est-ce que c'est du pot. Mais quand il l'a fumé une fois, il sait qu'est-ce que c'est. Et comme il sait pas qu'est-ce que c'est, puis tout le monde qui fume du pot, qui sont tous frustrés, puis qui veulent tout avoir le même, là, qui veulent avoir les autres dans le même bateau que les autres, ben, tu fumes ça, c'est fantastique. L'autre, il l'essaye. C'est pas être fantastique. Ça fait un autre frustré là-bas. Il vient des artistes, il se plaint qu'il y a une guitare. Nos enfants sont très frustrés. Puis il dit que ça commence en bas âge, ça. Il faut qu'on sache nous-mêmes, faut qu'on la connaisse, la frustration, puis il est temps qu'on sache, nous autres, pour pouvoir donner à nos enfants de l'énergie pour empêcher leur frustration. C'est comme ça que vous empêchez vos enfants d'être frustrés, c'est en leur donnant de l'énergie. Avec une société violente, qui devient de plus en plus violente, comme on a. Mais si, là, si, quand tu donnes de l'énergie, c'est l'énergie de l'âme. Donner de l'énergie à un enfant, c'est pas... Comprenez bien ça. Donner de l'énergie à un enfant, c'est pas faire ses quatre volontés. Ah, ça, c'est bien intéressant. Je suis content. Donner énergie à un enfant, c'est donner de toi-même à l'enfant. C'est pas donner à l'enfant, c'est donner de toi-même, de ton temps à l'enfant. C'est descendre, te descendre à son niveau à lui. C'est ça, donner de l'énergie à l'enfant. C'est descendre à son niveau à lui. Fait que si t'es un parent, puis lui, il a 8 ans, ben, il y a une façon pour toi de descendre à son niveau à lui, c'est en allant jouer au baseball avec lui. Tu lui donnes de l'énergie. Si tu dis, va jouer avec tes petits amis dehors, tu lui donnes pas d'énergie, tu t'en débarrasses. Pas pareil. Pis il y a bien les parents qui font ça. Les petits sont tous dehors, là, pis ils jouent tous ensemble. Il n'y a pas un adulte, là. Mais donner de l'énergie à un enfant, c'est quand il faut qu'il y ait un adulte avec l'enfant. Tout le temps.

Eux autres, ils ont des beaux enfants. Les Arbeck. Tout bon. Tout bon. Pis ça sent les beaux enfants. Toi, vous êtes chanceux, vous autres. Les autres sont chanceux, ça va des deux bords. Moi, je vais vous dire quelque chose, hein, vous allez rire. Moi, des enfants, ça ne dit rien, c'est pas beau. Si des enfants sont clairs, c'est gros de même, le petit bébé, là. Si je sais que c'est une tête de cochon, il me dit rien, petit bébé. Je vibrerai même pas à cet enfant. Mais s'il y a des bonnes vibrations, je vibre. Même si c'est pas parlé. Ça m'a créé énormément de tension pendant longtemps. Parce que moi, ma fille, ça m'a pris bien longtemps avant de connecter avec elle. Je pense qu'elle avait 5 ans quand j'ai commencé à communiquer avec elle. Parce qu'elle avait un maudit caractère. L'âme, tu sais. Moi aussi, j'ai ça. Ça m'a pris 5 ans avant de connecter avec elle. Vous vous dites, la connexion est faite. On a tous du travail à faire. Là, c'est bon. Il y en a des enfants. Il y a eu des enfants. Comme j'ai un de mes amis, une enfant. C'est un vrai toutou. C'est toujours fin. Puis ça rit. Puis ça parle. Tu sais, c'est. Mais la mienne, c'est un vrai démon, cette affaire-là. Ça se couche pas. 2 heures du matin. Toujours de l'attention. De l'attention encore, puis de l'attention encore. Pendant 50 ans. C'était pas un cadeau, cet enfant-là. Là, elle commence. Mais je te jure que. Cet enfant-là, si elle avait été d'une famille ordinaire, elle aurait rendu les parents fous nets. Je l'ai eu durant l'initiation, pas même tout comme aiguisé l'air, ton enfant. On t'apprend à mettre en poubelle. Puis il me disait, lui en haut, il disait, t'auras pas de plaisir avec ton enfant avant qu'elle ait 5 ans. C'est long, 5 ans, quand tu vois qu'il y a des mecs, des enfants, ils ont des petits toutous, là, pis ça se promène avec eux autres, ils passent, pis c'est tranquille, ça leur tape ses fesses, là, pis ils sont contents. Tu sais, il y en a qui ont des enfants, c'est comme du monde. Comme un, là, qui dort, ou tranquille, ce qui est. Ah, c'est inquiétant, quoi. Dans vous, c'est où, là, dans le séminaire? Qu'est-ce que vous disiez, séminaire, concernant ce papa-là? Serait bon. Il serait bien, ça. Ouais. Il pourrait mieux, par exemple. Peut-être plus vieux. Il est de lui, mon garçon, là. Faut que je sois plus vite que lui. Puis vite. Puis vite. Oh, un compliment, me le demande. Puis là, faut que je dise le compliment, là. Seulement quand je vais plus vite que lui. Il retient Michel, lui. Ah. Oh. Il a dit, j'étais assez mauvais. Alors, je me demandais, je suis pas une démon. Mais ça fait peut-être pas qu'un rôle. Puis là, puis même, j'ai encore de misère. C'est... Mais là, les deux, ça va être correct. Si on est deux, on est ensemble. Faut être deux. Comment c'est ça? Hey! Je suis plus capable. Moi, je t'ai étouffé, mon homme. Pis c'est pas pareil. Il y a plein d'enfants pareils. Moi, j'ai un ami, il y en a 3. J'étais allé chez eux quand je suis rencontré. J'ai dit, c'est des statuticiels, ces affaires-là. Tu rentres dans la maison, pis ils te demandent ton chapeau. L'autre, elle te demande ton gros. Des petits bouchus de 10 ans, comprends-tu? Des vrais butlers dans la maison. J'ai dit, tu vas en avoir un autre. Il en a eu un autre. Il ne croyait pas parce qu'il n'en voulait pas d'autre. Il en a eu un autre. C'est un démon, Charlie. Il est où de même? Il commande à tout le monde dans la maison. Puis l'autre, la femme, là, comment est-ce qu'elle appelle ça, le français? Elle était habituée à des toutous. Comprends-tu? Pendant des années de temps. Je t'inquiète pas. Tu vas voir que tu vas changer avec lui. Tu sais, le maternel, putain, la mère. Moi, elle avait des chocs quand elle venait chez nous, la façon que je traitais ma fille. Elle disait, mon Dieu, Seigneur, elle me faisait des yeux de même. Je lui disais, que t'as pas un jour où tu vas être ta pilule. Aujourd'hui, elle avait un break. Elle avait un break aujourd'hui. C'était un démon, cette affaire-là. C'était un enfant. C'était un enfant de demain. Il voit tout, il comprend tout, il te fait des réflexions à table, des assiettes sautent sur la table. Il est pas à star. Fait que c'est la psychologie qu'elle a fait avec ses toutous avant, là, elle l'a plus avec lui. Il rentre tout le monde dans la maison. Fait que la mienne, c'est pareil. Quand tu dis qu'un enfant qui est petit comme le sien, ça se couche pas! 2 heures du matin! Fait que je dis ça au grand haut, qu'est-ce que m'a fait? Il dit là, ça va, elle a pas fatigué. C'est ta fille Dr. Spock, là, Kironel! Fatigué? Un enfant qui essaie de renier tout le monde, on laisse pas renier. Quand je parle de ce petit Louis, c'est parce que c'est son caractère, il est comique de même. Il a bon caractère. Je te dis qu'il t'a un caractère. Petit bout de chou de même. Fait que tu comprends que les enfants, ils viennent avec des qualités, des tempéraments, des caractères, puis on les sait pas parce qu'on n'est pas assez. Fait qu'on travaille dans la veuillette, comprends-tu? On lit Dr. Spock de temps en temps. Après ça, on en a un autre, là. Mère Antoinette, à télévision, par radio. Moi, je travaille dans une librairie, puis un homme qui vient voir une journée, il dit « Avez-vous des livres pour comment éduquer vos enfants? » J'ai dit « Vous avez un enfant? » Il dit « Oui, ma femme vient d'avoir un petit gars. » J'ai dit, vous avez besoin d'un livre comme un livre? Il dit, oui, c'est notre premier. J'ai dit, vous avez pas besoin d'un livre. J'étais allé au pif. Vous voulez un livre? Très bien. Un petit break? Ouais. Ouais? Un petit lunch, s'il te plaît. Après, comment c'était pas un cadeau, Christine, jusqu'à 5 ans? Moi, ça, ça me fait du bien, c'est tard, parce que moi, ça, là, je me disais, je suis une matelotte dans la maison. T'as pas un set pour une matelotte? Il est cute, toi, hein? Quand t'es dans la vibration, là, l'enfant est pas ouais n'importe quoi. Tu sais, l'enfant est son temps. Il te choisit pis tout. Bon. Puis quand t'es en connexion, pis tu fonctionnes plus psychologiquement. C'est pour ça qu'il faut pas fonctionner psychologiquement. Faut fonctionner par vibration. Puis quand là, que la vibration en passe, c'est un signal que c'est l'ego qui a besoin d'un choc vibratoire. Là, là, faut pas que. Si tu fonctionnes psychologiquement, tu ne laisseras pas passer à la vibration. Tu vas avoir peur de donner une claque. Tu voudras pas lui donner une claque. Mais quand c'est ouvert, ce canal-là, là, quand passe ta vibration, là, tu en as une claque. Un choc. Moi, j'appelle ça un choc vibratoire. Fait que là, tu l'adresses. Le caractère. Parce que le caractère, c'est l'accumulation de toutes les évolutions derrière, ça va là. Ça va là-dessus? Mm. Fait que quand tu viens au monde, il y a toute cette patente-là. Faut que ça soit redressé, ça. Faut que tu le dresses. C'est toi qui dis qu'un enfant a besoin d'amour et de discipline. Les deux. Puis il dit, c'est ça qu'il reproche au monde d'aujourd'hui, c'est qu'il y a de l'amour puis plus de discipline. L'éducation progressive. Là, là, les gens, ça commence à aller de l'autre bord. Avant, c'était tout l'amour. Ensuite, c'est devenu. Voilà. Avant, c'était toute la discipline. Ben, en fait, c'est devenu de l'amour. Là, ils commencent à s'en venir ensemble, par leur expérience. Ça prend de l'amour et de la discipline, un enfant. Si tu donnes de l'amour, c'est pas bon, puis de la discipline, c'est pas bon, ça prend les deux. Puis quand tu donnes un choc à un enfant, faut que tu rebalances la vibration après, pour que l'enfant sache que t'es jamais fâché contre lui. Il y a des problèmes. Je peux te faire. Comme t'avais expliqué, pourquoi il va sortir. J'attends. Dans l'eau, là. Ouais, c'est pas balancé. Ben, c'était subtil, c'est encore. Ça, c'était pour lui monter, c'était pour la protéger. Parce qu'on a des enfants. Moi, ma petite fille, ça, c'est pas se protéger, c'est une petite fille. Tu sais? Fait que. Elle a des mœurs doux. Elle est très douce intérieurement. Mais il faut qu'elle apprenne à se défendre. Puis je vais y apprendre à se défendre. Parce que je vais lui donner un prof de comment ça s'appelle ça? De karaté. De karaté. Elle va apprendre à se défendre. À partir de l'an prochain. Sans ça. C'est pas qu'il faut le mettre, c'est pour ça. Faut qu'elle apprenne à se défendre. Mais seulement faut que tu sois bien enseigné. Un art martial! Fait que quand elle va se promener, puis elle va aller voyager à New York, puis en Europe, à 18, 20, 22 ans, quand elle se fera pas accrocher d'un coin par un espagnol frustré, parce qu'il va parler de quelque chose. D'abord, le monde de l'éther, c'est un monde qui n'est pas connu de l'homme. C'est un monde qui est inhabité.